le son du TR2 en vente en série limitée. Quand la galère déboule la panne à mon charter, pas de mystère. Mort ça y est, c'est R, assure mes arrières. Que tout monte lève, que tous les PD restent à terre. J'ai le flow revolver, t'es pas content, on blesse ta mère. La nouveauté pour tous les frères dans la misère. Tu 7-7 à Paname, laisse tomber, je mue chez ma mère. Parce que tu sais que le savoir est une arme. Truand de la galère, plastine, tout ce qui est tôt dans l'âme. À chaque apparition, désolé si je cause un drame. À perpète dans la street depuis petit peu, l'état nous condamne. Vous faire du sale, accompagné, je suis pas venu seul. Seul, les déserts, ils gueulent, peut fermer leur grande gueule. MALS, Arti High Lourd, Kikikier. C'est pas de ma faute si je rappe par corps et que je peux kicker. Un black skin, mort, ça est truand de la galère. Cherche pas à savoir, c'est le son du TR2. C'est le son du bitume, des pécans en roue arrière. Ici, on prend des une mentalité pénale. Un black skin, mort, ça est truand de la galère. Cherche pas à savoir, c'est le son du TR2. C'est le son du bitume, des pécans en roue arrière. Ici, on prend des une mentalité pénale. Paranoïaque à la joue plaque, ou app. Si tu vois la skin plaque, chez nous, ça arrive comme app. J'ai des foyers, on rappe avec nos tripes. Si à ça, on prend pas la poudre des scampés. La tête de champ sur les champs, sorti on a fumé un lieutenant. C'est pour mes gars, à la marque et à la marque, sans oublier d'appeler.